France Inter. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'histoire d'une défection et d'une fuite rocambolesque et finalement d'un rendez-vous sportif manqué. En septembre 2000 se tiennent les Jeux Olympiques d'été à Sydney. Le 8 septembre, Marie-Josée Pérec, légende de l'athlétisme français, championne du monde, triple championne olympique et grand espoir de médaille pour la France, arrive en Australie. Elle doit disputer le 400 mètres, sa distance de prédilection. Mais avec une adversaire de taille qui en plus joue à domicile, l'Australienne Cathy Freeman. Pérec l'a battue 4 ans auparavant au JO d'Atlanta. Elle veut sa revanche et offrir l'or à l'Australie. D'autant que sa victoire irait bien au-delà du sport. Freeman appartient à la minorité aborigène du pays. Son succès serait un symbole fort d'unité et de réconciliation entre le peuple autochtone australien et les descendants des colons européens. Freeman est une idole chez elle et tout le pays est derrière elle. Marie-Josée Pérec a le sentiment alors que tout le pays est contre elle et qu'elle est victime d'une entreprise de sape qui la dépasse. Eh bien, 12 jours après son arrivée, et pour ces raisons précises, elle part sans prévenir personne. Comme une voleuse, estime Philippe Lamblin, alors président d'une fédération française d'athlétisme, aux appois. Le 400 mètres de Sydney n'était pas une course contre Cathy Freeman, c'était une course contre une nation entière qui avait ses problèmes. « Je n'étais pas préparé pour un 400 mètres », déclara Marie-Josée Pérec. Notre invité aujourd'hui, Jean-Philippe Leclerc, directeur adjoint de la rédaction du journal L'Équipe. Affaires Sensibles, une émission de France Inter. Récit documentaire Héloïse Rambert, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Denante, réalisation Stéphane Coom. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Avant de compter les nouvelles médailles françaises, 3 aujourd'hui, je vous donne cette information qui nous arrive, qui nous est parvenue il y a quelques minutes d'Australie. Marie-Jo Pérec a quitté Sydney pour une destination inconnue, c'est ce que nous a dit son agent. Ce départ ne remettrait pas en question sa importance, sa participation aux Jeux de Sydney. Apparemment, Pérec a reçu des menaces dans son hôtel. C'est tout ce que l'on peut dire pour le moment. Nous sommes le 20 septembre 2000. Les Jeux Olympiques de Sydney ont commencé depuis 6 jours et une nouvelle tombe. Incroyable. Marie-Josée Pérec, superstar de l'athlétisme français, a pris ses clics et ses claques, qui plus est, la veille des épreuves du 400 mètres féminin qu'elle doit courir. La rumeur est venue de la chaîne de télévision australienne Channel 7 et a enflé toute la nuit. La rédaction a reçu dans la soirée un appel téléphonique d'un homme qui aurait vu Pérec à l'aéroport. Mais pour aller où? Où est-elle? Va-t-elle déclarer forfait ou revenir à temps pour les séries? Les journalistes parlent encore au conditionnel, prudence oblige. Pérec est tendu à l'approche de la compétition, on le saurait à moins. Les enjeux sont énormes. À 32 ans, celle que les journaux surnomment la gazelle, a derrière elle un palmarès éblouissant. La Guadeloupéenne est championne du monde et triple championne olympique. Une fois en 92, au JO de Barcelone sur 400 mètres, et deux fois au JO d'Atlanta en 96, toujours sur 400 mètres, et également aux 200 mètres. À Sydney, elle doit s'élancer sur 400, son jardin, son domaine. Toute la France rêve de la voir triompher une nouvelle fois. Mais il va falloir compter sur la concurrence, et pas des moindres. Dans les starting blocks, il y a aussi une enfant du pays, Cathy Freeman, adulée et soutenue par toute une nation. Freeman n'est pas que australienne, elle est aussi aborigène. Elle représente à la fois le seul véritable espoir de médaille en athlétisme pour l'Australie et un espoir de réconciliation entre les descendants de l'émigration européenne et les autochtones. D'ailleurs, elle a été choisie pour allumer la flamme olympique au cours de la cérémonie d'ouverture. Tout un symbole. Le duel Pérec-Freeman promet donc d'être spectaculaire, surtout qu'il a un goût de revanche. Les deux se sont affrontés sur les pistes à plusieurs reprises. La Française a souvent eu le dessus. Sur les 9 fois où elle a couru contre Freeman, elle l'a battu 7 fois. Sa dernière victoire, la plus mémorable, c'était 4 ans auparavant, au JO d'Atlanta. Le premier départ est le bon. Marie-Josée Pérec, comme prévu, a pris un départ canon. Elle essaye de revenir sur Cathy Freeman, mais Ogun Koyat est également parti très vite, la Nigériane. Regardez comment Marie-Jo a repris une partie de son décalage sur Cathy Freeman. Pour l'instant, tout se passe bien. Je regarde Ogun Koyat est parti très vite, ainsi que Fatima Youssouf. Les deux Nigérianes, mais Marie-Josée Pérec et Cathy Freeman sont en train de faire l'effort. Cathy Freeman qui sent toujours le souffle de Marie-Jo derrière elle. Cathy Freeman qui 38 centièmes de seconde, c'est le temps qui sépare Pérec de sa dauphine. Ce jour-là, Freeman devient officiellement sa rivale numéro 1. Et dorénavant, les deux athlètes vont se jauger, s'observer par médias interposés, scruter leurs chronos respectifs. Après son doublé olympique, Marie-Josée Pérec retrouve son entraîneur américain à Los Angeles, John Smith. 2 ans auparavant, elle a quitté la France et son entraîneur historique, Jacques Piensatin, avec qui elle entretenait des rapports difficiles. À la Fédération française d'athlétisme, quelques dents ont grincé, bien sûr. Eh bien tant pis, parce qu'en Californie, Pérec vit son rêve américain. Elle écrit dans son autobiographie parue en 2008, 1994 et 1996, des années splendides, drôles et amusantes, tel est le titre, mais ce sont aussi des années de doute. Et puis en 1997, une nouvelle recrue débarque chez Smith. Elle s'appelle Nova Peris et c'est une compatriote de Cathy Freeman. Elle est aborigène comme elle. Peris est championne olympique de hockey sur gazon et voudrait se reconvertir dans le sprint pour concourir dans 2 disciplines aux JO de Sydney. Elle a donc choisi John Smith pour atteindre ses objectifs. Or, cette arrivée perturbe profondément Marie-Josée Pérec, qui la voit comme une intrusion et une tentative de déstabilisation, et qui coïncide pour elle avec le début d'une longue série de problèmes de santé. Blessure à la cuisse en 97, mononucléose en 98, qui se complique en myocardite, une affection cardiaque qui affecte durement ses performances. Les mondiaux de Séville en 1999 se déroulent donc sans elle. Sydney approche et Marie-Jo fait des surplaces. Smith ne peut plus se consacrer exclusivement à elle. Alors, fidèle à elle-même, la Française prend une décision radicale. Changement de décor, bye-bye les palmiers de L.A., direction la grisaille de Rostock, en ex-Allemagne de l'Est. Oui, parce qu'elle choisit de faire confiance à un certain Wolfgang Meyer, entraîneur en semi-retraite, oublié depuis la réunification allemande. Et pourtant, c'est lui qui a mené au plus haut niveau Marita Kor, aujourd'hui toujours détentrice du record mondial féminin du 400 mètres. Et ce n'est pas rien. En tout cas, cette association interroge l'athlétisme français. Tout le monde sait que les performances de l'ex-RDA sont entachées de soupçons de dopage. Mais Pérec est déterminée. Passer de Piacenta à John Smith, déjà il y avait une grande différence, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je découvre encore autre chose. C'est pour ça que je suis là. Il fait peut-être 0 degré ici. C'est pas Los Angeles. Je suis pas là pour faire du tourisme, je suis là pour m'entraîner. Et donc, c'est vrai qu'autour, il n'y a rien qui m'attire à l'extérieur. Voilà. C'est vrai qu'il vous fait répéter une phrase avant chaque séance d'entraînement. Ben, c'est vrai, oui. Quelle est cette phrase ? Enfin, moi, je parle pas allemand, mais bon, c'est vrai que la première phrase que j'ai apprise, je serai sur le podium, voilà. Pendant 6 mois, Marie-Josée Pérec s'entraîne sur des pistes enneigées dans des gymnases décrépits. Sans témoin et dans le plus grand secret, mais en se prêtant toute transparence au contrôle antidopage français. En juillet 2000, la gazelle fait son grand retour sur les pistes. Et c'est l'événement. Elle s'élance sur 200 mètres au meeting de Lausanne, puis quelques jours après sur 400 mètres à Nice. Ses performances sont bonnes. Elle décroche une 2e et une 3e place. À Nice, elle finit sa course vidée, mais qualifiée pour Sydney. Mais pour Pérec, ce sont 2 petits tours et puis s'en va. Elle sèche ensuite tous les autres rendez-vous de l'été. Elle ne dispute ni la Coupe d'Europe, ni les championnats de France. Au meeting de Monaco et de Bruxelles, on n'en va pas non plus. Motif invoqué 3 fois sur 4, un contentieux financier avec les organisateurs. Pérec n'est pas connue pour avoir un caractère facile. Là, elle se fait carrément traiter de diva capricieuse. Oui, ses absences à répétition commencent à inquiéter. Pas idéal pour préparer les Jeux Olympiques. Et c'est bien ce que pense Richard Descoux, directeur technique de la Fédération Française d'Athlétisme. Rien ne remplace la compétition, parce qu'à la compétition, vous courez à telle heure, il faut se préparer, l'échauffement c'est tant de minutes avant. C'est pas comme à l'entraînement où on vous dit, bon, tiens, tu vas faire un 400 d'entraînement, mais il n'y a pas d'adversaire, il n'y a pas le starter, il n'y a pas tout l'environnement, il n'y a pas le public, réaction du public, favorable, défavorable, il y a tout un contexte autour. Et je pense qu'elle devrait affronter ses adversaires. Sa principale adversaire, Cathy Freeman, elle est là, et bien là. Elle a 5 ans de moins que Pérec. Sur les 40 courses qu'elle a disputées depuis Atlanta, elle n'en a perdu qu'une. À Monaco, elle réalise même son meilleur chrono de la saison. Bref, elle est prête, il n'y a aucun doute là-dessus. Difficile d'en dire autant de Marie-Josée Pérec. À un mois des Jeux, avec un seul 400 mètres couru en une saison, sa forme et ses chances de médailles sont des plus floues. Le 8 septembre, elle débarque à l'aéroport de Sydney, visiblement très nerveuse. Le visage fermé, elle repousse de la main les objectifs venus la scruter. Dès qu'elle pose un pied sur le sol australien, elle se sent oppressée. L'Australie, qui était le cadet de mes soucis, me saute à la gorge dès la zone de transit, écrit-elle dans son autobiographie. Elle s'engouffre dans un taxi sans desserrer les mâchoires. Au passage, elle ignore superbement le directeur de la préparation olympique, Hervé Madoret, et le directeur technique de l'athlétisme français, Richard Descoux, qui se sont pourtant levés aux aurores pour lui servir de comité d'accueil. La Guadeloupéenne n'a que faire de ses huiles qui ne se suit d'elle qu'une fois tous les 4 ans. Entre les officiels de l'athlète français et sa plus grande représentante, c'est donc le choc des cultures. Oui, il y a tout un historique de défiance et d'agacement mutuel. La championne fait un choix qui lui ressemble, en grande solitaire qu'elle est. Elle s'installe dans un hôtel à Darling Harbour, en plein centre-ville de Sydney, avec son copain de l'époque, l'Américain Antoine Maybank, lui aussi coureur du 400 mètres. Elle préfère rester seule, au calme, pour privilégier son sommeil et se concentrer sur sa préparation. Elle zappe donc le village olympique où logent la plupart des athlètes du groupe France. D'ailleurs, Marie-Josée Pérec n'est pas plus proche de ses collègues qu'elle ne l'est de la délégation. Ça fait 6 ans qu'elle a quitté la France. Elle a perdu contact avec la nouvelle génération sportive. Pour Muriel Ortiz, championne du monde du 4x100 mètres et justement jeune sprinteuse de l'époque, cet isolement l'a probablement fragilisée. Elle le dit en 2016. Dans le village, on ne s'en rendait pas forcément compte de tout ce qui se passait, hein, puisqu'on était quand même assez protégés. On n'avait pas forcément toutes les informations. C'est vrai que Marie-Jo, à cette époque-là, avait fait le choix aussi de se mettre à l'écart de l'équipe de France et du village. Et c'est peut-être aussi une erreur de sa part, parce que je pense que dans le village, elle n'aurait peut-être pas été autant harcelée. Dès son arrivée, Marie-Josée Pérec est harcelée, traquée par une presse australienne féroce, à fond derrière Cathy Freeman. En tout cas, c'est ce qu'elle dit, et c'est ce qu'elle répétera toujours. Il est vrai que les journalistes ne la ratent pas. Pour monter en épingle, deux à l'avenir, elle oppose Freeman, sereine et bien intégrée, à Pérec, isolée et imprévisible. Comme la Française refuse obstinément de parler aux journalistes, et limite ses déplacements pour leur échapper, ils l'ont surnommée Greta Garbo. Si quelqu'un fuit, la tentation logique est de le poursuivre. Parce qu'elle fuyait, on a cherché à savoir ce qu'elle cachait, admettra un journaliste du Daily Telegraph. Pérec se sent suivie, épiée jusqu'au stade. Elle se dit la cible d'insultes, de menaces systématiques. « Rentre dans ton pays, on ne veut pas te voir ici, on ne te lâchera pas. Si tu ne dégages pas, on va t'arranger. » Des amabilités de ce genre. Plus les jours passent, plus elle est persuadée d'être victime d'une campagne de déstabilisation. Alors, est-ce vrai? Exagéré? C'est en tout cas son ressenti. La Française est d'un naturel anxieux. Elle ne s'en est jamais cachée. Mutique avec la presse, coupée de la délégation française, elle confie ses angoisses sur son site internet. Le mardi 19 septembre, par exemple, elle écrit « Les Jeux ont à peine commencé que j'ai déjà envie qu'ils se terminent tellement j'ai peur. » Quand je vois les autres sportifs entrer chacun leur tour en lice, je flippe à fond. Et le même jour, c'est l'incident de trop. Elle le raconte, blême, le 28 septembre, alors qu'elle est rentrée à Paris. Le matin, je me suis réveillée. Il y a des gens qui m'ont demandé si je voulais le service de l'hôtel. J'ai donc dit que je n'en voulais pas. Évidemment... On m'a dit que j'avais un paquet, donc j'ai ouvert la porte et ben, y a quelqu'un qui a forcé la porte et qui voulait rentrer. C'est un homme? Oui. J'ai repoussé la porte et je suis... Je sais pas, je suis... Je me suis demandé qu'est-ce que je vivais. Jusqu'où ça irait? Est-ce que ça vaut le coup de faire du sport dans des conditions pareilles? La Guadeloupéenne perd pied. La peur envahit tout. Elle pense à Monica Seles, poignardée par un adorateur de Steffi Graf sur un court de tennis. Elle pense à Nancy Kerrigan, la patineuse frappée à coups de barre de fer par un proche de sa rivale, Tonya Harding, épisode que nous vous avons déjà raconté dans un autre numéro d'Affaires Sensibles. Alors, sa décision est prise. Trop dangereux. Elle part. Son compagnon, Antoine Maybank, déploie des trésors d'inventivité pour l'en empêcher, tentant l'apaisement. C'est juste de l'intimidation, personne ne va vraiment lui faire du mal. Il joue également sur la corde de la compétitrice. Elle ne va quand même pas renoncer et leur donner raison alors qu'elle a bossé si dur. Mais il comprend vite qu'il ne peut pas la raisonner. Et ce qui devait arriver arrive, la Française et son boyfriend sautent dans le premier avion. Quand elle rallume son portable en escale à Melbourne, sa messagerie déborde de messages. Le staff de Reebok, son équipementier, tout le monde la supplie de revenir. On lui propose les services d'un garde du corps. Son entraîneur, Wolfgang Meyer, passe aussi quelques coups de fil pour la retenir en Australie, dont un à la Qantas, la compagnie aérienne nationale. Mais elle refuse de descendre de l'avion. Elle éteint de nouveau son téléphone. L'appareil décolle. Marie-Josée Pérec se volatilise. Elle voulait gagner le paradis. Elle avait le miracle facile. Dans la foulée, elle a expédié ses affaires courantes. Crudité sur ordonnance, cruauté dans la tourmente, dans la foulée. Dans la foulée, Marie-Jo s'en est allée, inhalée les parfums de l'indolence. Elle reviendra si ça lui chante, si elle y pense. De la douche au bûcher, la route est longue, mais l'acropole la laisse de l'arbre. Miracle facile, la victoire au bout du cil. Dans la foulée, elle a balayé et la houle et les huées. Dans la foulée. Aujourd'hui, les tribulations de Marie-Josée Pérec. Affaires sensibles sur France Inter. Mais où est le dossard 1761 des Jeux Olympiques ? La question agite le petit monde médiatico-sportif à Sydney toute la journée du jeudi 21 septembre. La veille, Marie-Josée Pérec a quitté précipitamment la capitale australienne sans se retourner. Et c'est tout ce qu'on sait. Et c'est devenu un jeu dans les salles de presse. Les journalistes jouent les aiguilleurs de l'air, heure par heure, et spéculent sur la possible localisation de la championne française. Ils compulsent les horaires d'avion pour essayer de deviner où elle va atterrir. Et puis, une équipe de Channel 9 l'accueille, elle et son compagnon, Antoine Maybank, à la descente de l'avion à Singapour, où ils font escale. Il est 6 heures là-bas, minuit à Paris. Marie-Jo repère la caméra et la situation dégénère immédiatement. Son compagnon intervient. Dans la confusion, on entend la voix de Marie-Jo. Tous les êtres humains ont des droits, ok ? Malgré ce premier accrochage, malgré la violence, l'équipe de télé insiste. Résultat, une course-poursuite dans l'aérogare, puis une nouvelle agression. Écoute-moi bien, si tu t'approches à nouveau, je vais vraiment te faire mal. T'as bien compris ? Les coups et les menaces fusent de la part de Maybank. L'altercation se poursuit jusque dans les boutiques de l'aéroport. Direction le commissariat. Pérec et son compagnon sont interrogés séparément pendant de longues heures. Il faut l'intervention de l'ambassade de France pour débloquer la situation. Elle invite les deux athlètes pour un rafraîchissement en attendant leur vol pour Paris. Le téléphone de Pérec recommence à sonner. Au bout du fil, notamment, Marie-Georges Buffet, alors ministre des Sports, elle se montre compatissante. Ce qu'elle voudrait, c'est comprendre. Et c'est bien la question qui taraude tout le monde. Qu'est-ce qui est arrivé à la championne française ? Pourquoi une athlète de son niveau a-t-elle pris cette décision insensée ? Eh bien, elle répond. Par l'intermédiaire de son agent resté à Paris, elle a été victime d'une tentative d'intrusion et de menace dans sa chambre d'hôtel et elle s'est sentie en danger. Voilà. Mais les journalistes ne croient guère à cette version. Aucune plainte n'a été déposée et aucun agresseur présumé n'a été identifié. Le gérant de l'hôtel où a séjourné Pérec en doute encore plus. L'établissement est hyper sécurisé, explique-t-il aux journalistes. L'accès aux étages est contrôlé par un système de sécurité et la direction n'a rien signalé de suspect. Une agression a priori lui semble donc impossible. La presse australienne commence à avancer une autre hypothèse. Si elle a déserté, c'est parce qu'elle avait peur de perdre, tout simplement. Certaines unes sont particulièrement assassines. Mademoiselle la Chicken, titre le Daily Telegraph de Sydney, comprendre Mademoiselle la Poule Mouillée. Sur le même temps, The Australian évoque la grande évasion de la Française et enfonce le clou. Pérec n'aurait jamais admis qu'elle ne pouvait pas battre Freeman. Une agression présumée dans sa chambre d'hôtel lui a fourni la porte de sortie dont elle avait besoin. Et la rue n'est pas plus tendre avec la Guadeloupéenne. Je comprends pas qu'elle soit partie comme ça. Je crois qu'elle avait peur de perdre. Voilà ce que je pense. C'est un peu suspect qu'elle soit partie. Ça fait 4 mois qu'elle doit affronter Freeman et à chaque fois, il y a quelque chose. C'est une honte. Et vous êtes déçu ? Bien sûr que je le suis. J'aurais aimé les voir s'affronter toutes les deux, courir ensemble. Elle peut rester à Singapour. Elle aurait dû aller au village olympique, comme tout le monde. Elle a eu un traitement de faveur. Je n'éprouve aucune sympathie pour elle. Chris Wardlow, l'entraîneur australien d'athlétisme et raccord, Marie-Josée Pérec n'était pas prête. Ce n'est évidemment pas l'avis de son entraîneur, Wolfgang Meyer. Mais ce n'est pas non plus celui de ses anciens coachs, qui n'ont rien à gagner pourtant à défendre Marie-Josée Pérec. John Smith, l'Américain, et Jacques Piacenta, le Français, sont sur la même ligne. Jamais Marie-Josée Pérec ne serait venue à Sydney si elle ne croyait pas en ses chances, enfin. Les journalistes du Sydney Morning évoquent aussi, entre les lignes, une autre raison à son départ précipité. Ils notent que la championne olympique n'a subi aucun test antidopage depuis son arrivée en Australie. Sous-entendu, elle s'est défilée avant de se faire contrôler positif. Un bien mauvais procès fait à Pérec. Jamais suspecté de dopage tout au long de sa carrière. Non, toujours présente aux convocations et engagée pour un athlétisme propre. D'ailleurs, Henri Serrandour, le président du Comité national olympique, balaie ses accusations d'un revers de la main à l'occasion d'une interview pour TF1. Elle s'est soumise au contrôle longitudinal comme les autres. Il n'y a pas de sujet. Au-delà des raisons qui l'ont poussée à partir, c'est la façon de faire de Marie-Josée qui ne passe pas auprès du camp français. Les autres athlètes, dans l'ensemble, se montrent peu émus par ses malheurs. La plupart ne l'avaient même pas rencontrée. Après tout, elle s'est exclue toute seule, et depuis des années. Du reste, les dirigeants et les entraîneurs commencent à saturer face à la saga Pérec. Elle a énormément de talent, certes, mais alors, ras-le-bol de ses caprices et de son attitude. Certains, comme ici Philippe Lamblin, président de la Fédération française d'athlétisme, et surtout François Pépin, son ancien entraîneur, tacle durement Marie-Josée. Quitte à avoir l'air de régler ses comptes pour le deuxième. On avait imaginé beaucoup de scénarios, mais celui-là, on ne l'avait pas imaginé. Je pense qu'on ne peut pas imaginer que la plus grande championne de tous les temps décide de faire forfait, entre guillemets, puisque c'est ce qu'elle a fait, pour une, non pas sournoise raison, mais une raison qu'elle aurait bien pu s'éviter. C'est totalement attristant, parce que je vous dis, moi je connais assez profondément Marie-Jo par ses débuts. Je peux dire qu'elle a un grand cœur, et ce grand cœur, elle l'a recouvert d'une grosse couche de, de mauvaise éducation, de bêtises et de méchanceté, donc c'est dommage. À Paris, où elle vient d'atterrir, Marie-Jo doit avoir les oreilles qui sifflent. Mais elle reste sourde et muette. Au même moment, à Sydney, ses concurrentes s'alignent au départ des séries du 400 mètres. Le troisième couloir de la cinquième série reste donc vide. Oh, le nom de Pérec n'a pas été supprimé du tableau d'affichage des départs. Non, trois lettres y ont juste été accolées. DNS pour Did Not Start. N'a pas pris le départ. Cathy Freeman est là, bien sûr, concentrée. Les jours précédents, elle n'a fait qu'un bref commentaire sur Pérec à la presse. J'espère que vous la traitez correctement et que vous lui accordez tout le respect qu'elle mérite. J'aimerais qu'elle soit heureuse et à l'aise dans mon pays. J'aimerais qu'elle soit heureuse et en bonne santé, où qu'elle soit. Freeman se qualifie sans problème pour la finale et le 25 septembre, elle est dans les starting blocks pour le sprint de sa vie. Vêtue d'une combinaison intégrale, capuche incluse, elle s'élance dans le stade de Sydney devant 112 000 personnes. Tout le monde est debout dans le stade. Catherine Méry et Lauren Graham qui rentrent en tête dans la ligne droite. Et Cathy Freeman qui accélère. Cathy Freeman qui va être championne olympique. Si elle ne craque pas, elle ne craque pas Cathy Freeman. Elle va la porter devant Lauren Graham et Catherine Méry où elle est présente. 49 secondes, 13 centièmes pour Cathy Freeman qui donne l'or. Australie. Tout un peuple attendait cela. Cela fait maintenant des mois et des mois que l'on parle de cette finale ici à Sydney. C'est énorme. Elle est obligée de le chercher loin ce titre. Regardez l'émotion. L'émotion qui emplit Cathy Freeman. Elle vit avec cette tension depuis des semaines, des mois. Elle le sait, c'est son rendez-vous depuis 4 ans même. Après sa défaite à Atlanta, derrière Marie-Josée Pérec. Marie-Josée Pérec est devant sa télé à 16 000 km de là. Cloîtrée dans son appartement parisien avec son copain, sa mère et son oncle, elle évite un maximum de regarder les jeux. Mais la finale du 400, elle la voit. Dans la douleur, elle sait bien que sa place est de l'autre côté de l'écran. Les jours passant, ses proches, sa famille, en particulier sa grand-mère, depuis les Antilles, la poussent à donner sa version des faits, au moins pour arrêter de subir les commentaires et interprétations qui fleurissent partout, dans la presse et dans les têtes. Et elle finit par céder. Elle appelle Jérôme Bureau, le directeur de la rédaction de l'Équipe, et elle lui raconte, en sanglotant au téléphone, son Sydney, sa traque, les menaces, l'agression qui a tout fait basculer, et le départ qui lui semblait être une question de mort. « Je n'étais plus moi-même », explique-t-elle aux journalistes. L'Équipe met Pérec en couverture de son édition du 28 septembre. « Je suis anéanti », peut-on lire en une. Le même jour, elle accepte une interview télévisée avec Pierre Sled. Visiblement triste, vidée et stressée, elle cherche ses mots. « Franchement, est-ce que vous regrettez d'être partie ?» Je dirais je regrette. D'un côté, je regrette, parce que c'est la première fois de toute ma carrière que j'ai autant donné, que j'ai travaillé vraiment très très dur. Je ne dirais pas qu'avant je ne l'ai pas fait, mais vraiment cette fois j'avais mis le paquet. Et j'ai perdu ce que... Est-ce que la championne va s'en sortir? Sincèrement, si je suis obligée de répondre aujourd'hui, je dirais qu'on ne me verra plus courir. Et donc c'est pour ça que je préfère ne pas prendre cette décision maintenant. Son intuition est la bonne, on ne la verra plus sur les pistes. Les caméras éteintes, elle redevient complètement insaisissable. Elle se terre, elle n'est là pour personne, Marie-Jo. Même pas pour Wolfgang Meyer, qui l'a préparé pendant 6 mois pour les Jeux. Depuis le 24 septembre, il est sans nouvelles d'elle. Et l'entraîneur allemand est amer. Il en est profondément convaincu. Elle aurait couru en moins de 49 secondes et aurait fini devant Freeman. Je savais qu'elle était une personne difficile, mais je n'imaginais pas Marie-José si excentrique, lâche-t-il à une agence de presse allemande. Et puis, sa réputation en a pris un coup, évidemment. En attendant un hypothétique signe de vie de sa championne, il résilie le bail de son appartement à Rostock et dépose ses affaires dans un garde-meuble. Après une quinzaine de jours de passage à vide, Pérec commence à remettre un pied devant l'autre. Mais pas pour courir, non. Elle est dégoûtée de l'athlète. Fidèle à son impulsivité, elle quitte la France, histoire que les gens ne viennent pas l'emmerder avec de vieilles histoires. Je reprends ces mots. Pendant 1 an et demi, elle vit au jour le jour. D'abord aux États-Unis, auprès de son compagnon. Ses proches même ne savent jamais vraiment où elle se trouve, et son téléphone est presque toujours sur messagerie. Mais l'envie de courir revient doucement. Alors, elle vise les mondiaux de 2003, qui auront lieu à Paris. Son corps, malheureusement, ne suit plus. Le 7 juin 2004, à 36 ans, elle annonce qu'elle raccroche les pointes. Après le psychodrame de Sydney, Marie-José Pérec avait juré qu'elle ne remettrait plus jamais les pieds en Australie. 20 ans, jour pour jour, après son départ, c'est ce même pays qui fait une sorte de pas vers elle. Le 22 septembre 2020, en effet, le Sydney Morning Herald publie un article intitulé « L'Australie s'est liguée contre Pérec, elle mérite des excuses ». Voici ce que le journaliste Greg Baum écrit. Vous vous souvenez d'elle? C'était l'élégante coureuse française de la Guadeloupe qui avait remporté le 400 mètres aux 2 Jeux Olympiques précédents, battant notre Cathy à Atlanta, et qui se présentait comme la seule capable de gâcher un scénario glorieux écrit à l'avance. Pérec a incarné une figure de la psyché sportive australienne, celle de l'anti-héros. Il ne suffit pas que nos héros sortent victorieux, il faut aussi qu'ils aient triomphé du mal pour que leur auréole brille plus fort. Il n'est pas difficile d'imaginer ce qui a conduit à sa désertion. Tout est là, dans les coupures de presse. Capricieuse, précieuse mademoiselle, effrayée, gravement perturbée, fragile, déshonorée. Cela représente 2 jours de presse écrite, sans parler des autres médias. C'était le pire de l'Australie. Il y a eu des manquements de part et d'autre, mais il est certain que la célèbre hospitalité australienne ne lui a pas été offerte. Pérec n'a pas seulement droit au pardon, mais aussi à des excuses. Un pays vraiment grand les ferait. Qui sait comment Pérec les recevrait? Et ce n'est de toute façon pas la question. Avons-nous cette magnanimité en nous? Marie-José Pérec aura fini sa carrière sur un coup de tête, comme Zinedine Zidane, 6 ans plus tard, autre légende du sport qui a perdu ses nerfs au pire moment. Mais cet accident de parcours marquant n'efface pas son palmarès exceptionnel. Elle reste à ce jour l'athlète française la plus titrée. Son nom est d'ailleurs évoqué pour être la dernière porteuse de la flamme au JO de Paris, ceux de 2024. Elle en serait touchée, dit-elle, mais céderait volontiers la place à des athlètes handisport et valide. Reste que si l'important pour les Jeux, c'est de participer, Marie-José Pérec aura sévèrement pris à revers la maxime de Pierre de Coubertin. Notre invité aujourd'hui, Jean-Philippe Leclerc. Bonjour. Bonjour. Directeur adjoint de la rédaction du journal L'Équipe. Il se trouve, c'est pour ça que vous êtes là aussi d'ailleurs, que vous étiez à Sydney en 2000. Alors, quel souvenir gardez-vous de cet épisode? Je garde un souvenir très triste, quasi traumatique, parce que cette course 400 mètres, Pérec contre Freeman, tous les amateurs de sport voulaient le voir. En plus de ça, moi je connaissais Marie-Jo depuis pas mal de temps, depuis pratiquement ses débuts, donc je l'avais vu au sommet de sa carrière, et après j'avais vu au plus bas de sa carrière aussi, et comment elle avait tous les efforts qu'elle avait fait pour revenir au top, pour vaincre la maladie, pour vaincre tout un tas d'épisodes assez compliqués. je l'avais vu, j'avais vu son meeting de rentrée à Lausanne sur 200 mètres et je faisais partie de ceux qui pensaient qu'elle avait tout à fait le potentiel, peut-être pas pour battre Freeman, mais en tout cas pour avoir une médaille, ce qui aurait déjà été formidable. Et une fois arrivé en Australie, en revanche, voilà, j'étais aux premières loges pour voir cette histoire qui aurait pu être une très belle histoire tournée au désastre jusqu'à cette fuite rocambolesque qu'on a suivie en direct, assez consterné et atterré devant nos postes de télévision. Alors, vous avez bien connu Marie-Jo Pérec pour l'avoir interviewée plusieurs fois. Bon, là, apparemment, on va pas dire qu'elle est caractérielle, surtout pas, mais quand même un caractère un peu difficile. Elle était comment en réalité? Parce que là, il y a un épisode particulier, mais qui ne résume peut-être pas Marie-Jo Pérec. Ce qu'il faut comprendre avec Marie-Jo, c'est qu'elle s'est en fait toujours construite contre le système, quelque part. C'est-à-dire que même quand elle a commencé l'athlétisme en Guadeloupe, elle n'a pas été repérée. Il y avait des clubs locaux d'athlétisme assez forts, assez puissants, et elle a été repérée par ses profs de gym, qui étaient en plus de ça des métropolitains. Donc, et d'ailleurs, les clubs guadeloupéens, ses premiers clubs, ne voulaient pas l'emmener, par exemple, au championnat de France, parce qu'elle n'arrivait pas, elle n'avait pas la bonne filière. Après, quand elle est arrivée en métropole, elle s'est retrouvée avec des entraîneurs qui étaient aussi plutôt des entraîneurs anti-fédé, que ce soit François Pépin ou Jacques Piacinta. Ensuite, elle est partie à l'étranger, donc elle s'est toujours un peu construite. Et moi, j'ai cru remarquer que les sportifs, ils ont deux façons différentes de se motiver. Mmh. Il y a ceux qui se motivent de façon positive en disant « je vais vaincre », ça peut être pour l'argent par exemple, ou « je vais vaincre pour la patrie » ou « je vais vaincre pour ma famille ». Et puis, il y a ceux qui arrivent à se motiver de façon plus négative en se disant « je vais leur montrer, je vais leur prouver ». Et Marie-Jo, elle avait plutôt tendance à se motiver de façon négative. Je pense que, y compris par rapport aux journalistes, souvent elle nous considérait un peu, oui, comme faisant partie d'un système, des institutions, etc. Donc elle avait une forme de méfiance, de défiance, de toujours penser qu'on était là pour profiter quelque part d'elle et de sa gloire. Donc les relations avec elle, c'était toujours, ça pouvait être absolument charmant et très agréable, et puis après devenir très compliqué, redevenir charmant, re-très compliqué. Enfin, c'était, en tout cas, c'était jamais très simple. Donc, vous me disiez, elle aurait évidemment fait une belle performance au JO, elle aurait peut-être pas battu Freeman, elle aurait eu une médaille, mais si elle n'avait pas battu Freeman, ça aurait été un échec. Non, je pense pas, parce qu'elle revenait de tellement loin. Effectivement, elle était double championne olympique en titre, mais il lui était arrivé tellement de choses, notamment la maladie, et c'était une maladie, elle a eu une myocardite, elle a eu un syndrome d'Epstein-Barr. Je me souviens on avait découvert des photos d'elle, elle prenait à l'époque beaucoup de cortisone, donc elle avait arrêté la compétition, l'entraînement, on avait vu des photos d'elle où elle était toute gonflée, enfin. Et si vous voulez, c'est terrible pour un athlète, parce que l'athlète, son instrument de travail, c'est son corps. Donc quand votre corps vous lâche, c'est comme si vous n'avez plus de voix, ou si un écrivain ne pouvait plus écrire. Donc, et je pense que son tort, en fait, c'est qu'elle est arrivée à se reconstruire physiquement, elle est arrivée à se reconstruire aussi techniquement et tactiquement, et en revanche elle a négligé l'aspect psychologique en pensant que ça c'était acquis, parce que elle avait déjà été championne olympique, championne du monde, et en fait elle a eu tort, puisque dès qu'elle est arrivée à l'aéroport, en fait c'est psychologiquement qu'elle a craqué. Alors on a beaucoup commenté le côté réel ou supposé diva de Pérec. Vous rappelez quand même que c'était la première star de l'athlète français. Est-ce qu'elle a pas un peu payé ce statut? Si, tout à fait. C'est vrai que, en fait, tous les 4 ans au championnat du monde ou aux Jeux Olympiques, elle débarquait et il fallait qu'elle sauve le reste de l'équipe. Donc, ça lui mettait une pression supplémentaire. Après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, en fait, il aurait pu y avoir d'autres Sydney avant. Parce que Marie-Jo, c'était une athlète qui, en fait, une fois dans la chambre d'appel et une fois dans les starting blocks, avait vraiment un mental de tueuse. Elle était, mais en revanche, avant, c'était par exemple les veilles de course, ça a souvent été très très compliqué. Elle a déjà failli faire forfait, par exemple, la veille de son premier grand titre au championnat du monde de Tokyo en 1991. Elle avait raconté qu'elle était allée voir son compagnon de l'époque en lui disant « demain je peux pas courir ». C'était lui qui était arrivé à la convaincre, etc. Quand elle fait son premier meeting en Europe avec John Smith, c'est un meeting à Nice, et à un moment l'organisateur débarque complètement affolé et va voir John Smith en lui disant Marie-Jo est enfermée dans les toilettes, elle veut plus courir. Parce qu'elle avait une forme souvent de panique. les veilles de course ou le matin même, et donc tout l'objectif des gens qui étaient autour d'elle, c'était de l'amener jusqu'à la piste d'échauffement et même ensuite de l'amener jusqu'à la chambre d'appel. Et une fois dans la chambre d'appel, alors là, il n'y avait plus aucun problème. Ça redevenait Marie-Jo, ça redevenait une fille qui prenait un ascendant psychologique sur les autres, mais toute la difficulté, effectivement, c'était de l'amener jusqu'à la chambre d'appel. Alors, au bout du compte, et selon vous, pourquoi cette défection? C'est quoi la raison profonde? Moi, j'ai toujours considéré qu'elle avait perdu les jeux dès l'aéroport. Parce que, en fait, pour les Australiens, il était absolument essentiel que Cathy Freeman gagne, parce que vous l'avez très bien expliqué. C'était une histoire de réconciliation entre l'Australie et son passé et sa communauté aborigène que symbolisait Freeman. Donc, il fallait que Freeman gagne. Les Australiens connaissaient, à part les spécialistes d'athlés, mais ils n'étaient pas si nombreux que ça, ils connaissaient assez peu Marie-Jo Pérec. Et donc, quand elle arrive à l'aéroport d'Europe, il y a un certain nombre, et c'est normal, de journalistes, de caméras qui l'attendent, de photographes. Et au lieu, elle, de faire un discours, de dire trois mots en disant « Ah, je suis tellement heureuse d'être en Australie », en plus de ça, c'est un pays, quand elle était adolescente, qui la faisait rêver, donc elle aurait pu dire « Ah oui, quand j'étais ado, j'adorais l'Australie et j'aime tellement les kangourous », elle se serait engouffrée dans le taxi et ça serait terminé comme ça. Alors que là, elle avait sûrement fait un mauvais voyage, elle était sûrement énervée de voir toutes ses caméras, elle s'y attendait pas, elle avait pas été préparée. Donc elle a eu une réaction d'agressivité envers les... Du coup, d'emblée, elle s'est installée dans le personnage que les Australiens lui ont construit de diva, de Greta Garbo, de fille colérique, compliquée. Et à partir de là, il y a eu une suite d'événements qui font qu'elle a basculé dans une détresse psychologique de plus en plus grande jusqu'à cette fuite. Mais au départ, quand elle dit « je vais pas seulement me battre contre une rivale, d'après une sportive, contre un pays entier. » Elle n'a pas tort à ce niveau-là. Bon, ça ne justifie pas de cette fuite en avant, mais... Mais il y a eu par exemple, alors ce qui s'est passé, c'est que dans un premier temps, elle était installée dans un hôtel grâce à l'un de ses sponsors, soi-disant à l'écart et tranquille, sauf que quand elle a débarqué au petit déjeuner dans l'hôtel d'en face, il y avait toute la délégation de l'équipe. On était donc pour éviter les journalistes, c'était réussi. Donc elle a cherché en fait à louer une maison. Elle est passée par un journaliste de l'équipe avec qui elle avait de bons rapports, qui s'appelle Gilles Navarro, qui était un ancien rugbyman de jeu à 13, donc qui connaissait très bien, qui avait d'anciens copains qui avaient joué au rugby, etc. Donc qui l'ont trouvé en fait une maison. Elle a visité la maison, tout allait bien, et quand elle, au moment en fait de finaliser l'affaire, la propriétaire a refusé en disant, puisque c'est Marie-José Pérec, moi je veux pas lui louer, voilà. Et donc il y a eu plein d'événements comme ça où, par exemple, elle racontait que quand elle ouvrait la fenêtre de sa chambre, il y avait un espèce de poster géant, d'affiche géante de Cathy Freeman. Et je pense qu'il a pu y avoir aussi des réactions de supporters. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, si vous voulez, en football, vous pouvez avoir des ambiances comme ça, des accueils très hostiles dans des pays, quand vous êtes en déplacement, mais à chaque fois, c'est une équipe entière qui encaisse. Là, elle est seule. Là, elle est seule. Ouais. Et je dirais, elle est désespérément seule dans ce cas-là. Et elle n'a pas l'habitude de ça, parce qu'elle a gagné à Atlanta, elle a gagné à Tokyo, et là, et c'est vrai qu'elle est dans un pays qui veut absolument sa défaite. Donc, elle a pu exagérer une certaine forme de menace aussi. Jean-Philippe Leclerc, on va parler de Freeman tout à l'heure, mais quand même une question sur Marie-José Pérec. On a parlé dans le récit de la réaction peu clémente de la presse australienne lorsqu'elle est partie. Comment a-t-elle été traitée par les médias français? Par l'équipe, par exemple, et vous notamment. Par rapport aux médias français, c'était compliqué parce qu'elle était à l'étranger depuis longtemps, donc il y avait une forme de distance à tous les sens du terme. Il y avait quelques journalistes en qui elle avait confiance, à l'époque, à l'équipe en particulier, Gilles Navarro. Avec moi, il y avait des hauts, il y avait des bas. Elle a appelé donc Jérôme Bureau pour son interview alors qu'elle était rentrée à Paris, ce qui pour nous a été une surprise totale parce qu'avec Jérôme, elle n'avait pas de très bon rapport depuis Barcelone 92. Donc voilà, elle était insaisissable et à la fois... Pour les médias, c'était un feuilleton formidable, mais elle était difficile à appréhender. Donc, à l'époque, il y avait des champions français d'athlétisme, des grands champions, que ce soit Jean Galfione ou Stéphane Diagana, qui était beaucoup plus facile, beaucoup plus proche. Et Marie-Jo, effectivement, on la regardait avec un mélange d'admiration, des fois un peu de crainte. C'était en tout cas une histoire formidable à raconter. Parlez-nous de Cathy Freeman, fascinante, et puis avec sa combinaison. Elle a laissé une trace importante. Hein. C'est évidemment la reine des jeux de Sydney, avec sa combinaison avec capuche quand elle gagne le 400. Après, elle a de nombreux points communs avec Marie-Josée Pérec. Et Cathy Freeman, d'ailleurs, ne participe pas du tout à ce climat anti-Pérec. Au contraire, elle essaie plutôt de calmer les médias de son pays, parce qu'en fait, elle a une profonde admiration pour Marie-Josée Pérec, ça va même au-delà de ça, parce que Cathy Freeman a perdu sa grande sœur alors qu'elle était assez jeune, et elle a expliqué, moi j'ai eu l'occasion plusieurs fois de l'interviewer, qu'en fait, elle en était presque arrivée à faire un transfert et à considérer Marie-Jo comme sa grande sœur, parce qu'elles avaient une histoire commune, c'est-à-dire que c'était des jeunes femmes qui appartenaient à des minorités avec un lourd poids historique, que ce soit l'esclavage pour Marie-Josée Pérec ou la persécution de la minorité aborigène pour Cathy Freeman. Elles avaient été toutes les deux élevées par des femmes, donc elles avaient beaucoup de points communs, et il y avait une vraie forme de respect entre elles, et même plus que ça, vraiment d'admiration de Freeman pour Pérec. Et pensez-vous que cet épisode soit oublié, ou a-t-il durablement terni l'image de Marie-Josée Pérec ? Alors, je dirais que, évidemment, on aurait rêvé d'une autre fin, c'est-à-dire que si seulement ce 400 mètres avait pu avoir lieu, si seulement, bon, là on a vu Cathy Freeman défiler, faire son tour d'honneur avec les deux drapeaux australiens aborigènes en mêlée, si Marie-Josée Pérec avait été à ses côtés, ça aurait été absolument extraordinaire. D'un autre côté, c'était tellement une fin à la Pérec. Imaginez Marie-Jo prendre sa retraite, âgée, après en se traînant sur des 200 ou des 400 mètres, en allant courir le cachet dans les meetings. C'était pas Pérec. Et cette fin-là, c'est vraiment une fin à la Pérec. Donc, l'histoire se termine de façon aussi incroyable qu'elle a commencé. Alors, on a eu beaucoup de sprinteuses, de coureuses françaises de talent. D'un point de vue purement sportif, hein, quelle place tient Marie-Josée Pérec dans l'histoire de ce sport français ? Dans l'histoire française de ce sport, pardon. Pour moi, c'est la plus grande athlète française de tous les temps, enfin, sans contestation. D'accord. C'est même, pour moi, la plus grande athlète olympique de tous les temps. Qui peut rivaliser, peut-être leur Manodou, si on parle des femmes, mais même si on compte les hommes, il y en a assez peu qui sont arrivés à remporter comme ça trois titres olympiques, dont un doublé 200-400, que très peu d'athlètes ont réalisé. Donc pour moi, c'est la GOAT, comme on dit maintenant. D'accord. The greatest of all time, la plus grande. Yes. Vous n'allez pas chômer pendant le début de l'été à l'équipe. Hein. L'Euro de football, le Tour de France, Wimbledon, donc début juillet, et puis les JO. On peut imaginer que Marie-Josée Pérec arrive en tant que dernière porteuse de la flamme, et donc celle qui arrive pendant la cérémonie d'ouverture. Moi, je trouverais ça absolument formidable, et ce serait peut-être encore plus formidable si elle allumait la flamme avec Cathy Freeman, et qu'on les voit toutes les deux ensemble 24 ans plus tard. Ça serait un symbole extraordinaire de jeunes femmes comme ça, qui auraient dû courir l'une contre l'autre, et qui après ont connu des destins éloignés, et qui là se retrouveraient. Ça serait un message, pour moi, absolument fabuleux. Et si ça arrive, ça veut dire que le comité olympique aura écouté Affaires Sensibles. Voilà. Merci infiniment, Jean-Philippe Leclerc. Au revoir.